Le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu une corbeille de fleurs du secrétaire général de l'Institut international des idées jetées et de sa suite en visite en Corée, ainsi que des présents de Mukeshi Sharma, secrétaire général du conseil du prix international Kim Jong-il, et du rédacteur en chef du journal russe Zavtra, Alexandre Plohanov, administrateur du même conseil également en séjour à Pyongyang à l'occasion de la journée de la brillante étoile. La corbeille de fleurs et les présents ont été transmis respectivement le 15 à un cadre coréen intéressé. Par ailleurs, le même jour, on a transmis également un présent offert au maréchal Kim Jong-un par l'Institut international des idées jetées.